Bonjour à tous et bienvenue à mon podcast, c'est moi Thomas Dano. Aujourd'hui, le sujet sera la e-reputation ou la réputation en ligne. On dit e-reputation afin de rendre le terme un peu plus cool, tu sais, ça fait comme e-commerce, e-2.0, tu sais. En tout cas, on va parler de la réputation en ligne. L'idée de ce podcast, je vous avouerai, vient d'une de mes amies, Mylène Sénécal, a.k.a. Miss Sen sur Twitter, qui m'a demandé aujourd'hui, plutôt hier, pardon, qu'est-ce que la e-reputation? C'est alors que je me suis posé un peu la question vite fait, bon, mais ben c'est quoi, tu sais, après j'écrivais un petit mot pour dire ce que j'en pensais. Je vais donc commencer un peu par vous dire c'est quoi ma réputation, la définition. En premier, je dirais que la réputation en ligne, c'est un concept vague. C'est un peu ce qu'on peut déduire de la personnalité en ligne d'une personne. Par contre, ça, tu sais, ça s'arrête là, c'est simple. Mais ce que j'ai remarqué, ce qui est étant donné que le hors-ligne et l'en-ligne, maintenant, c'est rendu quelque chose de beaucoup intégré l'un à l'autre, qu'on parle par les événements ou toutes les activités qu'on se voit, ou, tu sais, soit c'est des collègues de travail ou même des compétiteurs, des clients, tu sais, ça promène de partout, mais souvent, ça reste du monde que tu vas peut-être finir par voir en vrai. Tu sais, j'ai beaucoup de followers, beaucoup d'abonnés, puis je vous dirais que quasiment, que peut-être pas tiers, là, mais tu sais, on va dire que le quart peut-être que j'ai déjà vu, c'est quand même beaucoup. Donc, ça veut dire que peu importe qu'est-ce que je dis en ligne, si ça se reflète pas sur le hors-ligne, ça va un peu comme rien dire que c'est juste comme péter les nuages, parce que tout le monde sait que c'est pas vrai. Tandis que si tu gardes la même réputation en ligne qu'hors-ligne, c'est là que ta réputation en ligne est vraiment forte. En plus, ce que je peux rajouter, c'est qu'étant donné que maintenant, en plus, par exemple, c'est plus juste Twitter, on parle de Twitter, souvent la personne va aller vous voir sur Twitter, elle va aller vous chercher sur Facebook. Maintenant, tu peux voir si les mêmes deux plateformes, la même chose est dite. Comme maintenant, même avec Google Plus, tu peux comparer trois plateformes pour voir si la personne elle respecte vraiment ce qu'elle pense. Ce que ça fait, c'est que de plus en plus, il n'y a aucun moyen vraiment de se cacher derrière un mur. Il n'y a plus moyen de ne pas être transparent parce que t'as pas le choix d'être transparent parce que sinon la personne va s'en rendre compte. Que ça soit sur Google Plus, sur Twitter ou sur Facebook, à un moment donné, tu vas, comme ta vraie personnalité va transparaître, puis le monde va la remarquer. Puis si c'est pas ça, ça va être lorsque tu vas le voir en vrai. Ça va pas être parce que quelque part, le but d'avoir un contact en ligne, souvent, c'est t'espères voir la personne en vrai parce que tu développes une certaine relation. Puis la manière que cette relation-là peut continuer, évoluer, ben il faut que tu avoues la personne en vrai pour pouvoir voir justement sa vraie personne. Donc, à partir de ce point-là, si on pense que quelqu'un en ligne qui est vraiment différent de sa vraie personne hors ligne, sa réputation en ligne, d'abord, va tout de suite être, comment dire, crash down par sa réputation en ligne. Tu sais, si sur Internet, tu penses que t'es le king, puis t'arrives en vrai, puis t'es vraiment juste une marde, ben après ça, quand le monde va te voir sur Twitter, ben, quand ils vont imaginer ta vraie personnalité avec ta personnalité Twitter, ils vont dire, bon, mais cette personne-là, elle se fait une fausse personnalité en ligne. Donc, j'essaie pas de dire, vous, là, des moyens d'augmenter sa réputation, tu sais, c'est pas ça le point. Tout ce que je dis, c'est important de conserver sa réputation en ligne et hors ligne, parce que les deux, ça devient la même chose. Quand on dit le terme e-reputation, mais à fond, je pense que le terme réputation tout court, ça peut vraiment vouloir dire ce qui est la vérité, donc votre réputation en tant que personne dans ce monde. Des médias sociaux, du web, on s'entend, là? Parce qu'il ne faut pas mélanger non plus les amis, l'alcool et les médias sociaux. Ça, c'est moi qui peux vous dire. Le seul conseil que je peux vraiment vous donner, puis que j'aime bien donner à tout le monde sur les médias sociaux, c'est toujours de rester transparent, que ce soit envers vous-même ou envers vos amis. Envers vos abonnés, envers tout le monde. Toujours rester transparent, rester soi-même. Vous savez, c'est comme quand vous arrivez à une nouvelle école et qu'on vous dit, mon petit gars, pour te faire des amis, sois toi-même. Eh bien, c'est la même chose avec les médias sociaux, selon moi. Regardez Michel Blanc qui dit pas mal tout ce qu'elle pense. Certains aiment, certains pas, mais beaucoup aiment. Ce qui fait elle le personnage qu'elle s'attribue elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle est transparente, elle dit ce qu'elle pense, puis le monde. Ben, il l'aime comme ça. Ben, il y en a d'autres qui l'aiment pas comme ça, mais ça, c'est. Je suis pas là pour débattre de ce point-là, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est transparente avec ses émotions, avec ses actions, avec ses sentiments. Et, ben, ça fait que quand on la voit en vrai, on peut facilement s'attendre à l'entendre parler de sa vie privée, par exemple. Elle reste vraie hors ligne et en ligne. Donc, cette petite pause conclut le podcast de cette semaine. Je vous dis donc bonne journée, bonne soirée. Ou bon midi. Anyway, à la prochaine.